Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un paquebot chargé de réfugiés qui erre en mer à la recherche d'un pays d'accueil. C'était il y a 80 ans, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en mai-juin 1939. Le paquebot s'appelait le MS Saint-Louis. Il rejoignait Cuba. À son bord, des centaines de juifs allemands qui espéraient, grâce à lui, fuir le Troisième Reich d'Adolf Hitler. Durant 40 jours et 40 nuits, ces gens vont être rejetés de la plupart des pays auxquels ils demandent refuge. L'histoire de cette odyssée tragique, nous allons vous la raconter en deux émissions. Au cours de cette première partie, nous allons revenir sur les raisons qui ont poussé ces passagers du Saint-Louis à fuir l'Allemagne nazie en cette année 1939 et tenter de comprendre comment et pourquoi ces juifs ont été rejetés cette même année par Cuba. Que savions-nous à l'époque des persécutions dont ces juifs allemands étaient victimes? Quelles étaient les politiques d'accueil face aux premiers crimes du régime nazi? Comment la communauté juive mondiale s'est-elle organisée pour leur venir en aide? Qui ont été les premiers justes? Notre invitée aujourd'hui, en direct de Washington, l'historienne Diana Fumado, auteure de deux ouvrages sur cette tragédie, dont L'exil impossible et Indésirable, au pluriel. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. « 7 novembre 1938. Ce matin-là, à Paris, à l'ambassade d'Allemagne, vers 9h du matin, 5 coups de feu claquent à l'intérieur du bureau du secrétaire Ernst von Rath. 5 coups de feu qui vont bientôt embraser l'Allemagne et le monde. Quand les membres de l'ambassade ouvrent la porte, ils découvrent le diplomate allemand au sol, la main sur son ventre, ensanglanté. Encore en vie, on le transporte à l'hôpital le plus proche. » L'assassin, lui, n'a pas quitté la scène. Il est resté là, planté derrière la porte, l'arme à la main. Il s'appelle Erchel Grinspan. Il a 17 ans. Né à Hanovre, il est ressortissant polonais. Quelques jours plus tôt, il a reçu une lettre de sa sœur Bertha qui disait « Jeudi soir, à 9h, un policier est venu chez nous et nous a déclaré que nous devions nous rendre au commissariat de police en apportant les passeports. Tels que nous étions, nous y sommes allés tous ensemble. On a fourré à chacun de nous dans la main un ordre d'expulsion. Nous devions quitter l'Allemagne avant le 29. On ne nous a plus permis de rentrer chez nous. » Comme 12 000 autres hommes, femmes et enfants, à la fin du mois d'octobre 1938, la famille Grinspan a été déportée à la frontière polonaise. Après l'Allemagne, la Pologne, dont elle est originaire, lui refuse l'accueil. Mais quel est donc le crime de cette famille pour qu'elle devienne apatride? Eh bien, les Juifs. Depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les Juifs sont devenus la cible du régime nazi. En 1933, ils sont exclus de certaines professions de la fonction publique. En 1935, tous les Juifs allemands sont déchus de leur citoyenneté. Tout mariage ou relation sexuelle entre Juifs et non-Juifs est interdit. En janvier 1938, on leur refuse toute activité commerciale. En juillet de la même année, ils sont recensés et marqués d'un J sur leur carte d'identité. Le jeune Erchel Grinspan, lui, n'était ni idéologue, ni résistant. Non, ce matin du 7 novembre 1938, il a juste sombré dans la folie face à la persécution des siens dans le silence de tous. Depuis des mois, le nazisme a triomphé sur tous les plans. En mars 38, l'armée allemande avait envahi l'Autriche. sans avoir perdu un seul soldat. Hitler avait été ovationné par des centaines de milliers de Viennois, saluant l'intégration de leur pays dans le Troisième Reich. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation des Reichs, den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. En septembre 1938, le chancelier allemand exige l'autodétermination des Allemands de la région tchèque des Sudètes. Après deux rencontres diplomatiques à Munich avec le Führer, Britanniques et Français font le choix d'abandonner ce territoire tchécoslovaque au Reich. Les démocraties européennes qui veulent la paix, à tout prix, se couchent devant Hitler. Alors, le 9 novembre 1938, deux jours après l'attentat mortel à Paris contre le diplomate allemand, Hitler entre en fureur. Kristallnacht, la nuit dite de cristal, s'abat alors sur les Juifs du Reich. Parmi les témoins, ce correspondant du New York Times. Here in Berlin, it is 9:30 a.m., November 10, 1938. Ici Berlin, 9h30 du matin, le 10 novembre 1938. Je viens de vivre 8h30 d'horreur à suivre les troupes d'assaut nazis dans ce qui sera sans doute le pire pogrom de l'histoire du monde occidental. Je reviens de Fasanenstrasse, où l'une des plus vénérables synagogues d'Allemagne n'est plus qu'un brasier. Les nazis ont mis le feu peu de temps avant l'aube. Cet acte délibéré ainsi que le pogrom sont des représailles à l'assassinat à Paris du diplomate allemand von Rath par un juif polonais de 17 ans, Herschel Greenspan. Beaucoup d'actes de pillage, de vandalisme, d'incendie de synagogue. Les hommes juifs sont assassinés, les femmes violées. Comme me l'a dit le grand rabbin Dr Leo Beck, après cela l'avenir est sombre, nous ne savons pas où aller, personne ne veut de nous. En une nuit, 200 synagogues partent en fumée, 7500 commerces juifs sont pillés, saccagés, détruits. Dans les rues, les correspondants de presse sont témoins de viols, d'humiliations, de battus à mort. Le lendemain, des milliers d'hommes de confession juive sont arrêtés puis déportés dans les camps de concentration. Parmi eux, M. Mayer, un paysan éleveur de vaches de la région de Kippenheim. Sa fille, Sonia, se souvient des jours terribles où elle a vu son père arrêté. Seule avec sa mère, elle a dû faire face aux SS qui sont venus saccager la vaisselle, éventrer les oreillers, déchirer les photos. Monsieur Mayer ne reste que quelques semaines à Dachau. Assez en tout cas pour qu'à sa sortie, sa femme peine à le reconnaître. Il est devenu maigre, le corps meurtri de coups, les yeux dans le vague. Une seule idée désormais l'accompagne, fuir au plus vite pour survivre et vivre. Pour tous les juifs allemands et autrichiens, en cet automne 1938, la mort rôde. Les représentants ou simples sympathisants nazis la leur promettent. En janvier 1939, lors d'un discours au Reichstag, Adolf Hitler parle sans retenue de l'anéantissement des juifs en cas de guerre. Die Völker werden in kurzer Zeit erkennen. Le monde comprendra bientôt que l'Allemagne nationale-socialiste n'est pas l'ennemi d'autres peuples. Si la finance juive internationale réussit encore une fois à plonger les peuples dans une guerre mondiale, alors nous assisterons non pas à la bolchevisation du monde, et donc à une victoire juive, mais à l'anéantissement de la race juive en Europe. Alors, partir ? Oui. Mais où ? Depuis de nombreux mois, la plupart des pays d'Europe, comme l'Amérique, ont drastiquement limité leurs conditions d'accueil. Certes, nombre d'entre eux ont condamné avec plus ou moins de force le déferlement de violence de la nuit de cristal en Allemagne, mais quelles seront leurs réactions si les victimes frappent à leurs portes ? À la veille de la guerre, le destin des Juifs d'Allemagne est intimement lié aux politiques des quotas et au positionnement des gouvernements face à leurs opinions publiques plus ou moins antisémites. Malgré le durcissement de leurs conditions d'accès, les États-Unis restent quand même une terre promise pour de nombreux juifs allemands. La quête d'un visa est une première étape, longue et insuffisante pour rejoindre le continent américain, car muni de ce document, il faut ensuite attendre son tour. Alors, face à l'urgence, de nombreux ressortissants juifs font le choix de rejoindre un pays de transit afin de quitter l'Allemagne au plus vite et ainsi se mettre à l'abri. Par sa proximité avec les États-Unis, Cuba paraît la solution la plus pertinente si on accepte d'en payer le prix. Oui, un racket, car en plus des coûts de demande de visa, chaque arrivant doit payer une taxe d'embarquement de $500. un crédit irrévocable de 2 ans dans une banque cubaine est demandé, tout comme un dépôt de garantie obligatoire pour le retour d'un montant de 230 Reichsmark. 12 papiers en moyenne doivent ainsi être rassemblés pour chaque voyageur, en plus du billet de transport, qui oscille, lui, entre 400 et 800 Reichsmark. Pour la famille Mayer, comme pour des centaines d'autres, en ce printemps 1939, l'espoir a pour nom le MS Saint-Louis. Ils ont fait les démarches afin d'obtenir des billets. Ils attendent maintenant que la compagnie leur annonce le jour du départ. Le 15 avril 1939, c'est chose faite. Les Mayer reçoivent une lettre qui annonce que ce paquebot de la ligne maritime transatlantique allemande, la Hapag, a atteint le nombre de passagers suffisant pour embarquer. Et c'est ainsi qu'un mois plus tard, après avoir vendu leur dernier bien, acheté les billets et rassemblé l'ensemble des papiers demandés, dont le permis de débarquer à Cuba, Sonia et sa famille arrivent à Hambourg. Toute la journée de ce 13 mai, par ordre alphabétique, 896 personnes montent à bord et découvrent le plus beau paquebot de la Hapag. Long de 175 mètres, haut de 8 ponts, le Saint-Louis est une merveille du XXe siècle, liant industrie et art déco, luxe et abondance. Et à 20h, le paquebot largue les amarres, et comme musique de départ, l'orchestre joue l'air Muss ich denn. Peu à peu, l'Allemagne nazie s'éloigne. À jamais, tous l'espèrent. Deux jours plus tard, le Saint-Louis fait escale à Cherbourg pour y embarquer les derniers voyageurs et atteindre ainsi le nombre de 937 passagers. Désormais, c'est la longue route vers Cuba et la Havane qui commence. À la tête de cette traversée, de ce paquebot, il y a un homme, Gustav Schröder, qui a remplacé au pied levé le capitaine attitré, absent pour cause de congé. Schröder a plus l'allure d'un professeur que d'un marin. Avant le départ de Hambourg, il a rassemblé l'ensemble de l'équipage pour le prévenir qu'il n'accepterait aucun débordement ou brimade à l'encontre des passagers. Du grand salon, il fait décrocher l'imposant portrait d'Hitler et transforme la pièce en synagogue. Tout semble alors pour le mieux. L'ambiance est apaisée, les journées s'écoulent au rythme des activités, des bains de soleil et des repas. Dans son journal de bord, le capitaine écrit « Grâce au temps clément, à l'air frais du large, à la bonne nourriture et aux services soignés, il régna rapidement une ambiance détendue sur le navire. Les tristes souvenirs de la vie au pays se perdaient dans les flots pour être remplacés par des rêves. Ce bateau accueillant, voguant au cœur de l'Atlantique, formait un univers nouveau. L'espoir et la confiance y refleurissaient. » Enfin presque, car les cauchemars des persécutions, des pogroms, de la nuit de cristal hantent encore l'esprit de nombreux passagers. Depuis le départ de Hambourg, un vieux professeur de l'université de Düsseldorf, Mortis Weiler, n'a pas pu quitter son lit, par exemple. L'homme est épuisé par cette fuite qu'il a fait parcourir des centaines de kilomètres pour obtenir les papiers et vendre plus offrant les derniers vestiges de sa vie d'allemand. Avant 1933, il était un esprit reconnu et apprécié de la cité. Alors, que s'est-il passé pour que tout s'embrase, pour que ses anciens élèves lui crachent désormais au visage? Du déracinement, certains font une force, d'autres en meurent de chagrin. Malgré le soutien de sa femme, Mortis Weiler s'éteint le 23 mai 1939, dans sa cabine, au milieu de l'océan. Le soir même, on enveloppe son corps dans un linceul qu'on coud. Le vieux professeur est transporté ensuite vers le lieu de la cérémonie. Le capitaine est présent. Les machines ont été arrêtées. Seul le bruit de la mer accompagne la prière des morts, récitée par le rabbin et les quelques hommes présents. À la fin des kaddiches, Mortis Weiler rejoint le fond de l'Atlantique. Il n'aura jamais vu Cuba. La Havane est encore à 3 jours. Personne ne le voit, mais le capitaine est inquiet. Il a hâte de rejoindre la capitale cubaine, car depuis le départ de Hambourg, il a reçu plusieurs messages radios inquiétants de la part de sa compagnie, dont celui-ci. Ordre impératif de vous rendre à La Havane à toute vitesse possible à cause de deux bâtiments, Orduna et Flandre. Même destination, même passager. Stop. Mais confirmation que vos passagers débarqueront quoi qu'il arrive. Stop. Aucun motif d'alarme. Même passager ? Mais oui, car le Saint-Louis n'est pas le seul bateau chargé de réfugiés juifs. Mais pourquoi doit-il arriver avant eux ? Tous les passagers sont en règle, du moins le pensent-ils. Pour l'instant, qu'importe, Schroeder suit les ordres. Il accélère les machines et décide de prendre les devants au cas où. Quelques jours avant l'arrivée, il constitue un comité de passagers qui, en cas d'ennui, fera le lien entre lui et l'ensemble des personnes à bord du paquebot. Pour prendre la tête de ce comité, il choisit un avocat brillant, jouissant d'une forte estime de la part de ses congénères, Maître Joseph Joseph. Le comité est composé d'une dizaine de personnes, notamment de nombreux juristes. Le 27 mai 1939, vers 4 heures du matin, le Saint-Louis pénètre dans la rade de La Havane. Malgré l'obscurité, les passagers peuvent apercevoir les palmiers. Au même moment, dans la salle des transmissions, un nouveau message arrive. Ordre de mouillage en rade. Stop. Ne pas réitérer, ni tenter d'approcher le port. Stop. Le jour se lève, l'ancre est jetée. Sur les 8 ponts, les 937 passagers attendent, valise à la main, à la fin du voyage. Deux bateaux à moteur se rapprochent, l'un avec des douaniers, l'autre avec des médecins. Chaque passager est ausculté quelques secondes, aucun n'est mis en quarantaine. Pourtant, aucun ne débarque. Pourquoi ? Selon les douaniers montés à bord, les documents ne sont pas en règle. Alors, quand pourront-ils poser le pied sur l'île ? On leur répond, mañana, demain. Peut-être. Yo también te he querido, me olvidaste después, pero yo no he podido a sufrir por tu amor, me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder. Contigo, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adoraron, yo les negué el cariño que inocente. Pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que... que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Les douaniers sont montés à bord. On nous a annoncé que le débarquement était reporté, que nos documents n'étaient pas en règle. Le nom de Triskornia a circulé. Il s'agirait d'un camp spécialement conçu pour accueillir momentanément les réfugiés avant de les répartir. Dans tous les cas, c'est confirmé. Nous ne pouvons pas débarquer immédiatement. Demain, peut-être. L'auteur de ces mots, Éric Dublon, est l'un des passagers de la première classe du Saint-Louis. Sans femme ni enfant, il voyage en compagnie de son frère et de sa famille. Depuis le départ de Hambourg, il note presque tout du voyage. Comme les autres passagers, il ne sait pas encore qu'il est l'une des victimes innocentes d'un règlement de compte politique entre le président cubain, Larrey Dobro, et son directeur de l'immigration, le colonel Benitez. En effet, depuis des mois, avec la complicité de la HAPAG, la compagnie maritime allemande du Saint-Louis, le colonel Benitez vend des milliers de permis de débarquer à Cuba, $150 l'unité, documents totalement illégaux, mais qu'on demande et que la compagnie et le colonel ont rendu obligatoire. Le 5 mai 1939, le président cubain abroge le décret numéro 55 qui autorisait les réfugiés à venir à Cuba en tant que touristes. Et il promulgue un nouveau décret, le 937, qui oblige tout passager à posséder un permis d'immigration délivré par le secrétariat d'État au travail. Son coût, $500 par personne. Même si la décision intervient 8 jours avant le départ du paquebot d'Hambourg, aucun des passagers n'en a été informé. Pire, aucun d'entre eux n'a la somme sur lui. La compagnie a exigé en effet que chaque passager ne possède pas plus de 220 Reichsmark dans la poche. Ces derniers apprennent leur infortune le 28 mai. Une journée où pourtant tout avait bien commencé. Ce matin-là, à l'heure du petit déjeuner, une étrange armada de petites embarcations de vendeurs de fruits, de cigares et de sorbets s'était rapprochée du Saint-Louis. Tous les passagers à ce moment-là sont sur le pont pour observer ce spectacle. Sur quelques barques, certains reconnaissent des proches. Mais oui, oui, des proches qui attendent depuis des semaines eux aussi leur transit vers l'Amérique. En voyant ces visages connus, l'espoir renaît sur le Saint-Louis. Des flottilles au pont du paquebot, on hurle à gorge déployée, des mañanas, des demain, pour se donner du courage. En fin de matinée, ce sont des vedettes chargées d'officiels qui accostent le Saint-Louis. Il s'agit de responsables du service d'immigration accompagnés de policiers venus vérifier les documents de chaque passager. Dès que l'annonce est faite, chacun rassemble alors sa famille et prépare les papiers officiels, dont le document signé de la main du directeur de l'immigration, le colonel Benitez. Une à une, les familles passent devant les responsables de l'immigration. Et à chaque fois, elles reçoivent comme simple réponse un rejet exprimé par un revers de la main. Seuls les citoyens cubains et les réfugiés espagnols sont autorisés à débarquer. Face à la situation sur le bateau, les corps se figent, la colère gronde. De nouveau, on les rejette. À des milliers de kilomètres de l'Allemagne, on pointe sur eux des armes. Mais enfin, pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont juifs. Le soir même, Schroeder comprend qu'il est désormais capitaine d'un paquebot embarqué dans une tragédie. Il s'en est fallu de peu pour que les passagers ne tentent un débarquement de force. Leur énervement était bien compréhensible. Ils étaient face à un état de droit qui n'adhérait pas aux lois anti-juives et qui, contre paiement, avait accepté de les recevoir. Et maintenant que cet état s'était rempli les poches, il refusait d'honorer ses engagements. Face à la nouvelle, à Cuba, comme aux États-Unis, le course contre la montre est lancée. Dès l'annonce du refus d'accoster, l'organisation caritative juive américaine, le Joint Distribution Committee, envoie sur place des représentants, dont le président de la Chambre de commerce cubano-américaine à New York, Lawrence Berenson, afin qu'il négocie une solution avec le gouvernement de la Havane. Mais rien n'y fait. En coulisses, le président cubain reste inflexible. Après tout, qu'a-t-il à gagner à laisser entrer ce bateau de réfugiés? Le 5 mai 1939, dès que la presse annonce son choix de limiter l'accueil des réfugiés juifs, aucune voix ne se fait entendre pour contredire le président. pire encore. Le 8 mai, plus de 40 000 Cubains manifestent leur haine du juif lors du plus grand rassemblement antisémite de l'histoire cubaine. À bord des Saint-Louis, plus les heures passent, plus la situation devient critique. Le désespoir et la peur ressurgissent dans chacune des cabines, dont celle de Max Loewe. En Allemagne, jusqu'en septembre 1938, cet homme travaillait au sein du tribunal de Hambourg. Et puis, du jour au lendemain, il était exclu. Alors, dans la soirée du 29 mai 1939, mis au ban de nouveau, proscrit sur un bateau, il s'avance sur le pont, lève ses manches, tranche ses veines, puis se jette à l'eau. Par chance, un marin du Saint-Louis le sauve. On lui applique alors un garrot, puis on l'emmène vers la Havane. Sa femme, en larmes, n'est même pas autorisée à l'accompagner. Ils ne se reverront plus. Le lendemain, Erich Dublon écrit. Le quatrième jour a commencé comme les autres, un peu désabusé. Nous essayons de passer le temps comme nous pouvons. Un policier cubain parlant correctement anglais nous a appris le nom de certains bâtiments dans le centre de la Havane. Puis nous sommes allés voir les barques. C'est toujours la même cacophonie, avec de nombreux « mañana » et « paciencia ». Le soir, le ciel se ferme très vite devant les orages qui grondent. L'air est lourd. Les enfants sont au lit, je fume et je réfléchis. J'observe un long moment la ville illuminée à travers le hublot. Le rideau bouge dans un courant d'air. Le 1er juin, les émissaires du Joint Committee obtiennent enfin un rendez-vous avec le président Brou. Quand ils pénètrent dans son bureau, celui-ci leur tourne le dos, regardant vers la mer. Habillé de ses apparats militaires, il coupe court à tout espoir. Il ne les a pas conviés pour négocier, mais pour leur faire part de son choix. Pour lui, l'évolution de la législation était connue par les autorités allemandes comme par les organisations juives de secours. Donc, le Saint-Louis ne peut accoster. Demain, le paquebot et ses gens devront partir. Malgré ce refus catégorique, Berenson, l'envoyé du Joint Committee, garde espoir. La tentative de suicide de l'un des passagers a aiguisé la curiosité de nombreux journalistes étrangers qui suivent désormais l'affaire jour après jour. Alors, qui sait? Une fois le Saint-Louis éloigné de ses côtes, le président cubain acceptera peut-être l'idée de négocier. Le capitaine Schroeder, lui, ne peut pas attendre. Quand on lui annonce qu'il faut qu'il parte, il descend son paquebot afin de s'entretenir en personne avec le président cubain. Brou refuse de le voir, mais lui accorde un délai d'un jour afin qu'on approvisionne le Saint-Louis en eau et en vivres. À son retour sur le bateau, les passagers sont désespérés. Partout, ce sont des scènes de colère, de larmes et de disputes. Que doivent-ils faire enfin pour rejoindre la terre? Se jeter à l'eau? Prendre les commandes du bateau? Se couper les veines? À chaque personne qu'il croise, le capitaine promet qu'il fera tout pour éviter un retour en Allemagne. Une promesse que confirme le comité des passagers dirigé par Joseph Joseph, qui le 1er juin affiche ce texte sur le tableau des messages. Le gouvernement cubain nous a ordonné de quitter le port. Il nous a seulement permis de rester jusqu'à demain matin. Nous partirons à 10h, vendredi matin. Mais notre départ ne signifie pas la fin des discussions avec les autorités. Le navire restera en contact avec toutes les organisations juives et d'autres organismes officiels. Ils continueront tous à tenter d'organiser un débarquement hors d'Allemagne. Pendant ce temps, le navire se maintiendra à proximité de la côte américaine. Après 5 jours d'attente, ce qu'ils redoutaient est désormais une réalité. Les passagers du Saint-Louis ne verront jamais la Havane. Pire, un retour en Allemagne n'est plus à exclure. Pour éviter toute nouvelle catastrophe, une brigade de 70 hommes est formée afin d'empêcher quiconque de sauter par-dessus bord. Seul dans sa cabine, le capitaine écrit. Aucune démarche, aucune prière ne fut entendue. Aucun comité, aucune personnalité américaine influente ne fut capable de faire fléchir le gouvernement cubain. En fait, le gouvernement cubain me faisait penser à quelqu'un qui vous invite à dîner et qui, une fois que vous êtes arrivé sur son palier, vous claque la porte au nez. « Le 2 juin 1939, le Saint-Louis quitte le port de la Havane devant une foule de curieux qui l'observent et devant une multitude d'embarcations remplies de familles qui sont venues dire au revoir à leurs proches, désormais refoulés. C'est le départ le plus triste qu'il m'ait été donné de vivre. Parmi les passagers, les femmes surtout étaient très inquiètes. « Capitaine, où nous emmenez-vous ?» Pour la première fois de ma vie, je ne pouvais pas répondre à cette question. Où l'histoire va-t-elle mener ces 907 passagers, candidats malheureux à cette immigration d'urgence, de survie? Que vont devenir Sonia, Maillard, Erich Dublon, Joseph, ainsi que le capitaine? Vont-ils poser le pied sur le continent américain ou seront-ils obligés de repartir en Europe? Quelques mois après ce voyage, la guerre éclatera sur le vieux continent martyrisé par l'Allemagne nazie, ses alliés et ses gouvernements collaborateurs un peu partout dans les pays occupés. Beaucoup de ces passagers devront, de nouveau, faire face à la folie meurtrière. Auraient-ils pu être sauvés? Nous le saurons demain, dans la deuxième partie de ce récit. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les réfugiés du Saint-Louis. Notre invitée, Diane Afumado. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct de Washington et merci à notre correspondant Grégory Phillips de nous avoir permis de mettre en place ce duplex. Alors je le rappelle aux auditeurs, vous êtes historienne, auteur de deux ouvrages sur cette histoire, intitulé « L'exil impossible et indésirable », avec un S bien sûr. Vous travaillez également au musée de l'Holocauste de Washington. Comme nous l'avons indiqué en début d'émission, nous raconterons aux auditeurs la fin de cette histoire demain. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le contexte de cette tragédie, en commençant par ce qu'on appelle dans l'historiographie de l'Holocauste les années de persécution. Les passagers du Saint-Louis n'étaient pas les premiers juifs allemands et autrichiens à quitter le Reich, il faut le rappeler. Quand la question des réfugiés juifs allemands est-elle devenue un problème international ? C'est essentiellement à partir de l'Anschluss de mars 1938, lorsque l'Autriche est intégrée au Reich, que le Reich se retrouve avec 200 000 juifs en plus au sein de son territoire. Et évidemment, ces juifs sont forcés à partir, et c'est une politique antisémite qui est pratiquée en Autriche presque immédiatement. Et donc la crise des réfugiés devient essentiellement une crise humanitaire, même si je n'aime pas trop le terme humanitaire parce qu'il est un peu anachronique, mais c'est une crise humanitaire et c'est une crise à laquelle il va falloir répondre de plus en plus, et aucun pays ne peut y faire face seul. Lorsque Roosevelt prend l'initiative de convier des pays à Évian, à la conférence d'Évian, et il réalise qu'en fait il va falloir une coordination internationale pour répondre à la crise des réfugiés. Et comment se passe cette conférence d'Évian et sur quoi débouche-t-elle finalement ? La conférence d'Évian en juillet 38, donc elle est organisée à l'initiative du président Roosevelt et de ses conseillers. Roosevelt a une politique assez pratique et pragmatique, et il pense que, encore une fois, il est impossible pour un seul pays de répondre à cette crise des réfugiés et qu'il va falloir y répondre à plusieurs. Et donc il essaye, en conviant plusieurs pays à la conférence d'Évian, d'entamer des négociations et de les faire venir à la table des négociations. Alors c'est assez compliqué parce que en 1938, comme vous le savez, il y a, presque tous les pays ont des lois d'immigration. Certains ont des lois qui comportent des quotas, comme c'est le cas des États-Unis, mais ce ne sont pas le seul pays. Et c'est de plus en plus difficile de trouver un endroit pour accepter les réfugiés. Et Roosevelt place dans les pays d'Amérique du Sud, notamment, beaucoup d'espoir, et notamment pour le Brésil et l'Argentine, qui sont de vastes pays, de grands territoires, qui pourraient très facilement absorber plusieurs dizaines de milliers de réfugiés. Or, le problème, c'est que c'est les 32 pays qui vont participer à la conférence ne sont pas venus pour ouvrir leurs portes. Et donc, même si les raisons de cette conférence sont pour essayer de remplacer cette espèce de dispersion chaotique des réfugiés par une immigration planifiée, la conférence se solde par quasiment un échec, voire au-delà d'un échec. Voilà, rendez-vous manqué, quoi, comme il en existe tant, sur des problématiques aussi compliquées. Comme le disait l'ancien dirigeant sioniste Haïm Weizmann, futur premier président d'État d'Israël d'ailleurs, le monde semblait divisé en deux, les pays où les juifs ne pouvaient pas vivre et ceux où ils ne pouvaient pas entrer. Alors, quelle est l'explication de cette situation ? L'antisémitisme était-il un mal présent dans de nombreux pays ? À Cuba, aux États-Unis, en France ? Alors tout à fait, c'est une phrase qui résume assez bien la situation. Ah oui, malheureusement. Oui. À partir de 1938, donc ça devient une sorte de sauve-qui-peut, d'hémorragie humaine du côté des réfugiés juifs, hein, du Reich, et de l'autre côté, on a des pays qui progressivement ferment leurs portes. Et à Évian, il est très clair que tous ceux qui sont venus à la table des négociations sont venus dans l'esprit de ne pas ouvrir leurs portes, de ne pas aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces pays ont, comme je l'ai dit, des lois d'immigration. Certains vont renforcer leurs lois d'immigration avant la conférence d'Évian, d'autres juste après. Le message à Évian est assez clair parce que tous vont faire des déclarations en disant qu'ils compatissent, qu'ils comprennent la détresse des réfugiés, qu'ils comprennent qu'il faut faire quelque chose, que certains de leur pays en fait ont déjà accepté beaucoup de réfugiés. Donc ils vont avoir un langage diplomatique extrêmement compatissant, mais c'est pour mieux asséner le coup final qui dit nos pays ont vraiment fait beaucoup, mais on est obligé d'avoir maintenant une sorte d'immigration sélective, oui. Et ce dont on a besoin, ce sont des agriculteurs. Oui, mais est-ce qu'on les rejette, pardon madame, est-ce qu'on les rejette parce qu'ils sont juifs ou parce que des migrants peuvent être considérés comme gênants pour l'économie, pour la démographie, pour que sais-je encore. Est-ce que c'est parce qu'ils sont juifs ou est-ce que c'est parce qu'ils sont migrants? C'est une combinaison de tout, mais essentiellement parce qu'ils sont juifs. Il y a beaucoup d'antisémitisme dans l'ensemble du monde à partir de 1938. Il y a beaucoup d'antisémitisme dans les pays d'Amérique du Sud, beaucoup d'antisémitisme également aux États-Unis, en Europe et à différents niveaux. Et dans certains pays, notamment à Cuba, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à 1938, il n'y a pas véritablement d'antisémitisme violent à Cuba. Mais à partir de la fin des années 30, le Reich envoie ce qu'on appelle des agitateurs nazis un peu partout dans le monde, et notamment à Cuba, aux États-Unis et dans d'autres pays, pour monter la population contre les réfugiés et contre les réfugiés juifs en particulier. Et donc oui, l'antisémitisme est un facteur très très important qui joue contre les réfugiés, notamment lors des décisions prises à Évian. Alors j'imagine, et c'est d'ailleurs même pas une question, c'est plutôt une remarque que vous partagerez certainement, il y a eu la nuit de cristal, 6 mois seulement après la conférence d'Évian, donc cette fameuse nuit de cristal, épouvantable moment, j'imagine que ce pogrom agit comme un déclencheur pour le départ de juifs d'Allemagne et d'Autriche, non ? Tout à fait. Ce qui est important, c'est effectivement la chronologie. Lorsque la conférence d'Évian a lieu en juillet 38, il n'y a pas encore d'urgence au sens où on l'entend après la nuit de cristal. Parce que s'il y a des juifs qui sont internés, ils ne sont pas très nombreux. Par contre, après la nuit de cristal, c'est vraiment une hémorragie, c'est vraiment un sauf qui peut. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là où la majeure partie des juifs comprend qu'il va falloir partir. Ils n'ont plus le choix, ils n'ont plus la possibilité de vivre dans le Reich. Quelle est la politique du Reich à ce moment-là, en 38, par rapport aux Juifs qui veulent partir ? C'est partez, on ne souhaite que ça, ou alors ils partent dans des conditions presque de clandestinité. Comment ça se passe à ce moment-là ? La politique du Reich est très compliquée parce que l'Allemagne veut un territoire judenfrei, c'est-à-dire libéré de ses juifs. Donc ils ne veulent plus avoir de juifs sur le territoire allemand. Mmh. En revanche, ils font tout pour que ces juifs partent dans les pires conditions. Donc ça veut dire qu'ils sont spoliés, qu'ils ont perdu leur travail, qu'ils ont absolument tout perdu, ils n'ont plus de vie sociale, culturelle, etc. Mais surtout, ils partent sans biens. Ils n'ont pas la possibilité d'emmener d'argent avec eux lorsqu'ils peuvent trouver un endroit où aller. Maximum 220 Reichsmark, justement, c'est ce qu'on disait dans le récit, et c'est bien d'éclairer ce point-là. Et c'est pour ça que, notamment, c'est les pays qui pourraient recevoir les réfugiés insistent bien sur le fait qu'ils ne veulent pas recevoir de réfugiés juifs parce que ils ne veulent pas qu'ils soient à la charge du pays. Mmh. Et donc on est dans une situation totalement bloquée où le Reich fait tout pour pousser les juifs au départ, les forcer à partir, mais dans les pires conditions qui font que les pays d'accueil potentiels les refusent. Qui était à l'origine du voyage du Saint-Louis ? Alors c'est une question intéressante parce que c'est un peu une espèce de, il y a un peu un mythe qui circule et notamment sur beaucoup de sites internet disant que c'est le Reich et ce sont les hautes autorités nazies qui auraient organisé le voyage du Saint-Louis. Alors ce qui est intéressant, c'est de replacer ça dans le contexte, comme d'habitude, on est en mai 1939, on est à quelques mois de la guerre. Évidemment, personne ne sait ça, en dehors de l'Allemagne et du Reich. Mais ce qui est important, c'est de se dire que les autorités allemandes avaient d'autres choses à faire en mai 1939 que d'organiser le voyage pour près d'un millier de personnes. Sachant qu'en plus, le Saint-Louis n'est pas unique. C'est devenu un symbole bien plus tard, notamment un symbole aux États-Unis. Mais ce n'est pas une exception, vous l'avez très bien souligné. Le Saint-Louis, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres dizaines de bateaux qui circulent sur les océans du monde. Et donc, par exemple, juste pour vous donner un exemple, la APAG qui possède le Saint-Louis a un document dans ses archives qui se réfère à janvier et août 1939, entre janvier et août 1939, tous les bateaux de la PAG ont transporté en moyenne plus de 38% de juifs à bord. Et le Saint-Louis donc n'est pas une exception. Vous avez aussi le Saarland, par exemple, qui a plus de 93% de juifs à bord. Le Saint-Louis, plus de 95%. Le plus petit pourcentage de passagers juifs à bord des bateaux de la PAG, c'est Liberia, qui a 3 et quelques pourcents. Mais tous les juifs qui essayent de partir montent sur n'importe quel bateau, que ce soit la PAG ou d'autres compagnies maritimes européennes. Et donc, encore une fois, le Saint-Louis est devenu un symbole, mais il n'est en aucun cas une exception. Mmh. Et il y a énormément de passagers qui sont juifs et qui tentent de partir partout où on veut bien les accueillir, ou en tout cas en forçant parfois les portes de certains pays. Alors restons toutefois sur le symbole, donc sur ce bateau-là. Au début du voyage, tout se passe, alors j'ai des difficultés à dire pour le mieux, parce que dans une situation comme ça, c'est difficile de dire pour le mieux, mais enfin, ça se passe pas mal, hein, jusqu'à l'arrivée à Cuba. On va écouter un extrait d'ailleurs du documentaire intitulé « Le voyage du Saint-Louis », réalisé par Mazyar Bahari en 1994, coproduit notamment par les films d'ici. Les gens faisaient preuve d'une bonne humeur héroïque compte tenu de la situation. Ils avaient plein d'espoir et aussi de crainte pour l'avenir. C'était la joie d'avoir quitté l'Allemagne qui dominait. C'était un immense soulagement que de quitter l'Allemagne. Compte tenu de la façon dont nous étions traités par presque tous les Allemands. Sur le bateau, tout le monde nous traitait merveilleusement bien. C'était étrange. Nous étions soulagés d'avoir quitté l'Allemagne. L'atmosphère à bord était à la fête. Nous dansions, nous nous amusions beaucoup pendant la traversée. Alors, arrive un certain moment, comme on l'expliquait dans le récit, l'intervention de cette association intitulée American Jewish Joint Distribution Committee, qui envoie sur place des émissaires. Quelle est cette association? Quel a été son rôle et son efficacité? Alors le Joint est une association juive qui est créée en 1914 pour aider essentiellement les juifs en Palestine qui sont à ce moment-là sous domination turque. Et durant la période qui nous intéresse, le Joint finance énormément d'organisations juives à travers le monde pour aider les communautés juives. Lorsque la situation est totalement bloquée à Cuba pour les passagers du Saint-Louis, le Joint demande à son représentant, Lawrence Berenson, de négocier avec les autorités cubaines et aussi avec le président cubain. Et Lawrence Berenson, qui est habitué au milieu d'affaires, pense qu'il s'agit d'une question d'argent et qu'il s'agit, en fait, si on met suffisamment d'argent sur la table, les passagers vont pouvoir débarquer. Mmh. Or, c'est une sorte de malentendu ou de mauvais jugement de cette situation, mauvaise appréciation de la situation. Alors, c'est facile à dire aussi longtemps après, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que Berenson ne comprend pas que Brou, le président cubain, est déterminé à mettre un terme à l'immigration à Cuba pour lutter contre l'influence de son secrétaire d'immigration, Benitez. Et donc, le président cubain, lorsqu'il promulgue le décret dont vous avez parlé, ce n'est pas un décret contre les passagers du Saint-Louis, il ne sait absolument rien du Saint-Louis au tout début, mais c'est un décret qui doit mettre fin à l'immigration et à l'influence de plus en plus grandissante de son secrétaire d'État à l'immigration, soutenu par le pire opposant politique du président cubain, Batista. Batista qui prendra le pouvoir ensuite et qui sera délogé par Fidel Castro et la Révolution. Sur le Saint-Louis, il arrive un moment donc où après le début de la traversée, où ses passagers sont pleins d'espoir pour une nouvelle vie, les choses se gâtent sévèrement, terriblement. Et là, c'est l'incompréhension, c'est le désespoir, notamment quand l'un des passagers, Max Loewe, tente de se suicider. On va écouter un dernier extrait du documentaire Le Voyage du Saint-Louis, réalisé par Mazyar Bahari en 94. Coproduit notamment par les films d'ici, des passagers racontent ce moment tragique, le moment où ils sont refoulés. Après quelques jours passés à attendre dans ce port, nous avons compris que la situation était bien plus grave. Il y avait de fortes chances qu'on ne puisse pas débarquer. Un jour, sur le pont, j'admirais le paysage. Un homme a tout à coup déboulé, le bras en sang, de grosses gouttes de sang tombaient sur le pont. Les gens se sont mis à hurler. Il a continué de courir vers la rambarde et il a sauté dans l'eau. Je m'en souviens très bien. C'est le souvenir le plus fort que je conserve de ce voyage. À l'aide de sa main valide, il a véritablement fait sortir l'artère de son bras. Et il ne voulait pas qu'on lui vienne en aide. Il ne voulait pas être sauvé. Tout le monde essayait de lui venir en aide, en vain. Alors un marin qui se trouvait sur un pont plus élevé que le nôtre a plongé par-dessus bord et l'a sauvé. Est-ce que vous pensez que c'est cet événement qui va déclencher l'émotion mondiale, donc l'émotion de la presse? Parce que ça passe forcément par la presse. Est-ce que cet épisode-là était fondamental? Alors c'est fondamental dans certains pays. C'est vrai que la presse va s'emparer de l'affaire du Saint-Louis très rapidement et très largement. La presse américaine, par exemple, va s'en emparer. Le Saint-Louis, l'histoire du Saint-Louis est publiée dans pratiquement tous les journaux dans tous les États et notamment souvent en première page. La presse cubaine s'en empare, mais bien avant, dès que le Saint-Louis est arrivé à La Havane, la presse cubaine se déchaîne littéralement contre les réfugiés juifs. Ne veut pas accepter les réfugiés juifs parce qu'elle a peur de la pression économique, elle a peur que les réfugiés prennent la place des Cubains, leur volent leur emploi. Et la presse européenne va s'en emparer un petit peu plus tard. Mais c'est effectivement cet événement qui va déclencher, alors pas forcément partout, mais qui va commencer à déclencher un intérêt de la presse. Et à Cuba, la presse s'y intéresse au début ou pas ? La presse commence à se déchaîner, curieusement, à partir de 1938, contre les réfugiés en général, et surtout contre les réfugiés juifs, et s'intéresse au Saint-Louis dès que le Saint-Louis est arrivé à La Havane. Et effectivement, la presse se déchaîne et insiste bien en disant qu'il faut absolument refouler les réfugiés, qu'elle ne veut pas de réfugiés, que Cuba ne doit pas accepter de réfugiés juifs, de peur qu'ils soient en fait de véritables concurrents économiques. Alors il y a donc il y a un antisémitisme très fort à Cuba. Là, oui, ce que vous dites, ça paraît clair. Alors il y a un homme très important dans cette histoire, et je ne voudrais pas que les auditeurs pensent qu'on ne va pas en parler. C'est le capitaine du bateau, Monsieur Schroeder. On en parlera demain, évidemment, de cet homme-là. Car, encore une fois, et vous l'avez compris avec le récit, son action est capitale. Sans dévoiler non plus la fin de notre histoire, nous pouvons dire quand même maintenant et avant demain que les États-Unis ont refusé également d'ouvrir leurs portes aux passagers du Saint-Louis. Comment expliquer ce choix du président Roosevelt? Car ça ne correspond tellement pas à l'image qu'on peut se faire de ce président-là. Alors là encore, il faut vraiment replacer ça dans le contexte. Vous savez, vous savez qu'il y a aux États-Unis, il y a, si l'on caricature un petit peu, il y a deux écoles historiques, celle qui soutient Roosevelt en disant qu'il a fait tout ce qu'il a pu, et l'autre qui dit qu'il aurait dû faire beaucoup plus. Et puis il y a les historiens qui sont un peu plus modérés et qui pensent que il faut, enfin, nuancer davantage. Roosevelt voulait essayer de faire quelque chose contre cette politique des quotas, la loi des quotas qui date de 1924, mais il faut savoir que la population américaine à ce moment-là, à la fin des années 30, est vraiment contre l'accueil de réfugiés en général. Et il y a même une enquête d'opinion en janvier 1939 aux États-Unis qui révèle que plus de 83% des Américains s'opposent à l'accueil de réfugiés européens. Donc si Roosevelt avait voulu modifier la loi des quotas, il aurait dû faire face à une réaction négative de l'opinion publique qui est quand même très majoritairement contre les réfugiés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Et puis, on pense toujours à Roosevelt, on se dit qu'il est le personnage le plus influent, le plus important, mais Roosevelt il est le président des États-Unis et, comme vous le savez, il ne peut pas gérer sans le Congrès, donc il peut pas changer non plus la loi parce qu'il l'a décidé, il peut pas aller contre le Congrès, contre l'opinion publique, et puis il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'antisémitisme à la fin des années 30 aux États-Unis, que le taux de chômage reste très fort, que les États-Unis sortent à peine de la crise économique, enfin le krach boursier de 1929, donc il y a toujours beaucoup de chômage, que les gens ont très peur de l'apport de réfugiés, de l'arrivée de nouveaux réfugiés qui risquent de prendre leur travail, donc même peur qu'à Cuba. Et puis il faut se dire que si l'on replace ça dans le contexte, alors ça peut paraître absolument terrible pour les réfugiés du Saint-Louis, puisque là on parle de réfugiés, du coup puisqu'ils ont ils ne sont plus des passagers légaux, mais ils deviennent des réfugiés à partir du moment où Cuba les rejette. Cela aurait pu être facile d'ouvrir les portes, et presque rien pour les États-Unis d'ouvrir les portes pour un peu moins de 1000 personnes. Mais il faut savoir que cela aurait créé un précédent, et que si le président et des États-Unis en général avaient ouvert leurs portes aux réfugiés du Saint-Louis, on peut s'imaginer que de nombreux bateaux auraient essayé de forcer les portes des États-Unis à ce moment-là. Comme je l'ai dit auparavant, on est dans un sauve-qui-peut, on est dans une espèce d'hémorragie humaine. Il y a des bateaux un peu partout sur les océans qui cherchent à forcer les portes de plusieurs pays. Et donc, ça aurait créé un précédent pour que d'autres bateaux arrivent, et les États-Unis ne veulent pas ça. Et ça aurait été aussi extrêmement injuste, si on peut dire, pour les gens qui se sont inscrits, les Juifs notamment, qui essaient de rentrer aux États-Unis, qui sont inscrits sur les listes de quotas. Et il faut savoir que à cette période-là, en 1938-1939, il y a tellement de gens inscrits sur les listes de quotas, notamment pour les ressortissants allemands, qu'il y a presque une attente de 9 ans. Donc vous imaginez que ça aurait été vraiment injuste pour les autres personnes qui ont fait des démarches et qui attendent. Donc c'est un faisceau de facteurs qui font que Roosevelt a pris la décision de ne pas laisser rentrer les passagers du Saint-Louis. Il me reste à vous remercier, Diane Afumadou, pour toutes les précisions que vous avez apportées à ce récit. Je rappelle que vous êtes historienne et que vous êtes auteur de ces deux ouvrages que les auditeurs peuvent lire s'ils veulent aller plus loin dans cette histoire. Ça s'appelle « L'exil impossible » et « Indésirable ». Je rappelle également que vous travaillez également au musée de l'Holocauste de Washington, où vous nous parliez là, pendant 20 minutes. Merci infiniment. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le drame des réfugiés juifs du Saint-Louis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui. Demain, rendez-vous même endroit, même heure pour la deuxième partie de notre récit sur l'odyssée tragique des réfugiés du Saint-Louis.